Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler avec, c'est le retour de notre doyen collaborateur cette année pour une 10e année, c'est Phil Desgagnés. Salut Phil! Salut Danny, 10 ans déjà Danny? Oui, 10 ans dans le Retro Sport, fait que c'est quand même assez, assez génial. Ah, t'es un gars tenace, je peux dire, là, t'as travaillé fort pour être au niveau où t'es actuellement, là, puis bravo, parce que c'est pas si évident que ça. Là. Ben non, c'est pas évident, puis je fais pas ça pour l'argent, on n'en fait pas d'argent, sauf que c'est tellement... Non, je le sais que tu fais ça par amour, puis par passion, puis pour les gens qui te suivent régulièrement également sur Facebook, puis sur Twitter. Ouais, ouais. Phil, ton été, quelle sorte d'été t'as passé? Ben écoutez, je vais te dire, j'ai joué au golf souvent, de façon régulière. J'ai mis beaucoup de temps cet été. Tu sais que depuis maintenant, le mois de juin, je suis président de Diffusion Saguenay, donc j'ai mis beaucoup de temps là-dedans parce que notre président et notre directeur général sont partis en même temps. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai mis beaucoup de temps de lancement de la saison pour les salles de spectacle, le lancement de la saison de la fabuleuse Histoire d'un Royaume qui a connu encore un succès tout à fait inespéré. Puis il y a toujours la question du palace. Ouais. On sait qu'il y avait une game politique à jouer là-dedans. On a travaillé très fort avec plusieurs intervenants. Puis le dossier s'est concrétisé pas plus tard que la semaine dernière. Puis là, actuellement, bon, on est sur le dossier de trouver un nouveau directeur ou directeur général pour Diffusion Saguenay. Donc, on a mis beaucoup de temps là-dedans, mais on a fait ça parce qu'on aimait ça. Puis deuxièmement, ben, on a profité de la saison estivale qui est tout simplement exceptionnelle. J'ai quoi? Autour de 80 parties de golf de jouer déjà. Donc, et j'en ai encore plusieurs à jouer d'ici le mois d'octobre. Puis on va recommencer le curling dans les prochaines semaines. Phil, je dois te dire que ça faisait très bizarre t'entendre parler de sport. Pas de sport, mais de musique à Radio X. Ben, c'est parce que les gens sont un peu surpris, sauf que dans mon cas, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis à l'Orchestre symphonique. Et je suis à Diffusion Saguenay depuis 7-8 ans, donc j'étais impliqué, pas directement à sa place publique, mais dans les coulisses, puis avec les gens, puis avec les bénévoles qui sont impliqués à ce niveau-là. Donc, on continue de faire notre part de bénévolat de ce côté-là. Phil, Canadien, je pense qu'on va voir les Saguenayens cette année, parce que les Canadiens, là... Hey, je vais te poser la question que j'ai posée au descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa. J'ai eu le Martin McGuire des Sénateurs cette semaine, Nicolas Saint-Pierre, puis ouais. J'ai posé la question, Canadien ou Sénateur, à la fin de l'année, qui va avoir le plus de points? Bon, bonne question. Moi, je pense que les deux risquent de ne pas faire les séries éliminatoires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Je pense que c'est très clair. Du côté du Canadien, moi, je pense que... je ne sais pas s'il y a un vent de jeunesse ou pas. À Ottawa, c'est sûr que ça va être au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce qui va arriver avec Carlson en défense? Est-ce qu'on va signer Duchesne à long terme? C'est toutes des questions qu'on a. Le sort de Guy Boucher également. À Ottawa, on parle de Guy Boucher, comme à Montréal, on parle de Marc Bergevin. Est-ce qu'ils vont garder leur emploi pour toute la prochaine saison? C'est toutes des questions qui sont actuellement difficiles. Mais écoutez, je pense qu'il faut regarder. Le Canadien a fait beaucoup de changements au niveau de son staff d'entraîneurs. Tu sais, je regarde, Claude Julien s'est nommé de nouveaux adjoints à Laval. Il est allé avec tout un nouveau setup d'entraîneurs également. Donc, de ce côté-là, il y a du changement. Du côté des Sénateurs, un peu moins parlé de ce côté-là. Mais au niveau des joueurs, c'est sûr qu'il y a eu quand même des changements. Mais écoutez, c'est toujours une question de dire le début de saison va être quoi et de quelle façon les blessures vont jouer un rôle important ou est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se démarquer. Ottawa semble vouloir y aller du côté de la jeunesse. Ça, c'est clair. Du côté du Canadien, ben, je pense qu'on est toujours ambigu à Montréal pour une raison. Il y a des millions et des millions de dollars en jeu quand on dit le Canadien ne fera pas les séries éliminatoires, puis le Canadien va être dans les séries avec les cotes d'écoute et tout au niveau de la télévision. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais écoutez, on s'attendait à, peut-être à des nominations ou des signatures importantes au niveau des agents libres. C'est pas arrivé autant à Ottawa qu'à Montréal. Donc, moi, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Des transactions, il n'y en a pas eu de majeures. Si on accepte peut-être à Montréal une transaction, Galchenyuk qui est parti. Mais moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'attentes du côté d'Ottawa et du côté du Canadien. Eh hey, mais Phil, je regarde, moi j'ai répondu à Nicolas Saint-Pierre, tu regardes sur papier, les sénateurs ont une meilleure équipe. Tu as Carlson, que tu vas sûrement avoir de quoi d'intéressant. T'as des bons jeunes, Logan Brown. Ah ouais, chez le Canadien, il faut admettre qu'également, le défenseur numéro un ne sera pas là de la... partir de la saison, peut-être toute la saison au complet. Quelle saison va connaître Price? Parce qu'il n'y a pas une grande défensive devant lui. Tu sais, on peut dire Price. Oui, mais écoute, on sait très, très bien aujourd'hui que gardien de but ne peut pas tout faire. Ça prend une bonne équipe devant lui. Claude Julien, à Montréal, on dit que c'est un spécialiste pour monter des bons systèmes de jeu. Mais encore là, ça te prend des bons éléments pour monter des systèmes de jeu également. Mmh. Donc, ça va être intéressant de surveiller. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a l'impondérable Eugene Melnyk. C'est tout croche à Ottawa. C'est tout croche. Guy Boucher est là parce que y, honnêtement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour en trouver un autre comparativement. T'sais, c'est ça, là, on va se dire des vraies choses. C'est là parce que je suis pas sûr qu'avec les déclarations de Pierre Dorion, il y a encore la confiance du DG. Mais moi, Danny, là, quand on me parle d'instructeurs, moi, je dis que les instructeurs sont aussi bons que, honnêtement, les joueurs qu'il y a devant lui. Là. Quand tu n'as pas nécessairement les bons joueurs, tu peux pas nécessairement avoir les bons éléments et puis avoir les résultats. Donc, les instructeurs de hockey, ils enseignent, ils montent des systèmes de jeu, ils font ce qu'il faut, mais sauf que ça te prend les joueurs devant toi, ça te prend l'équipe également. Et moi, je pense que c'est un peu qui arrive à Ottawa, c'est un peu ce qui arrive à Montréal également. Si tu n'as pas les bons éléments pour bien performer, tu ne réussis pas. Deuxièmement, Ottawa, l'année passée, il faut admettre que les gardiens de but n'ont pas fait le travail, alors qu'à Montréal, ben, Price a manqué une bonne partie de la saison. Les défenseurs 1 et 2, souvent, n'étaient pas là. Donc, c'est tout des réponses puis des questionnements qu'on a en début de saison. On ne connaît pas les réponses, mais j'ai hâte de voir. Mais on n'a pas de grandes attentes autant à Montréal qu'à Ottawa pour la prochaine saison. Phil, Serge Savard, j'ai toujours eu sa déclaration encore cette semaine. J'ai beaucoup de respect parce que Serge est souvent sur la coche. Monsieur Savard est toujours sur la coche. Mais là, je trouve que ça commence à faire belle-mère. Ça commence à faire Parti québécois pas mal. T'sais, je sais pas si d'accord avec... Moi, je vous avoue honnêtement, c'est facile pour Serge Savard critiquer actuellement. Le hockey d'il y a 10 ans puis 15 ans, n'est plus le hockey d'aujourd'hui avec les joueurs autonomes, avec les signatures de contrats à long terme, le plafond salarial. Tu sais, il y a des données qui ont changé. Serge Savard, il peut critiquer, il peut dire ça, il sait qu'il retournera pas, puis il sait qu'il sera pas nécessairement sur la sellette. Moi, là, tu sais, c'est comme moi si demain matin, je me mets à critiquer les arbitres de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Tu sais, honnêtement, pourquoi je les critiquerais? Le système puis l'arbitrage a changé du temps où j'étais. Dans le temps où j'étais, c'était permissif l'obstruction, c'était permissif telle affaire. On arbitrait à un arbitre, maintenant on arbitre à deux officiels. Tu sais, pourquoi j'amènerais ma critique à faire ça? Moi, je pense qu'honnêtement, j'aurais de la difficulté à faire ça. Serge Savard, aujourd'hui, il peut dire ce qu'il veut, mais Marc Bergevin travaille dans un contexte complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Les plafonds salariales, ça joue un rôle important de façon extraordinaire. Les joueurs autonomes, aujourd'hui, c'est également une autre problématique qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Donc, le hockey a changé, la façon de diriger a changé, et deux, des années de Serge Savard, une équipe gagnait la Coupe Stanley pendant 2, 3, puis 4 ans d'affilée. Aujourd'hui, là, la dernière équipe qui a gagné deux fois, c'est Chicago. Et depuis ce temps-là, Chicago, il est où, tu parles? On a mis à rappeler les séries éliminatoires. Pittsburgh, c'est vrai, t'as raison, de Pittsburgh. Ouais. Donc, tu sais, c'est un peu ça, là, que qui est la difficulté. Deux, c'est que des joueurs à franchise, il y en a. Mais quand il y en a un, je regarde là actuellement une équipe qui, je pense, va pointer à l'horizon peut-être pour aller chercher une ou deux coupes cette année d'affilée, c'est peut-être Toronto, avec des joueurs de franchise qu'ils ont obtenu, la transaction qu'ils ont faite l'an passé, le joueur autonome qu'ils ont signé, l'argent qu'ils ont dans leur poche, ça peut-être jouer, mais ça va être quand même difficile dans les prochaines années d'avoir des équipes qui vont avoir des destinées très, très longtemps. Mais Phil, là, ce qu'il a raison, Serge, c'est à quelque part, c'est lorsqu'il parle des dépisteurs québécois. Il dit, à l'époque, j'avais 5 dépisteurs québécois. Aujourd'hui, il y en a 2. Puis, soyons honnêtes, Serge Boisvert, puis l'autre, je ne me rappelle plus qui est là. C'est pas Martin Lapointe, là, peu importe. Ils ont Martin Lapointe est là, oui. Ouais, y a pas et Serge Boisvert, ils n'ont pas beaucoup d'influence. Et moi, tu me diras ce que tu voudras. Les gens disent, oui, mais on n'est plus en 93. C'est pas vrai. Je suis convaincu que le Canadien, s'il y avait plus de Québécois, ces clubs-là performeraient plus. Moi, je pense que il faut regarder les Québécois, puis je pense que Savard quand même. Mais Savard repêchait des Québécois à partir de la troisième, quatrième ronde. Lui, ouais. Se spécialisait là-dedans. Ce que le Canadien n'a pas fait, on est tourné vers les Européens. Il y a beaucoup plus d'Européens actuellement qu'il y avait il y a quelques années. Ça, je pense qu'il faut le regarder. C'est quand même des joueurs qui jouent un rôle important. Mais effectivement, le Canadien a repêché un l'année passée, c'est Samuel Wood, qui descend de Chicoutimi en cinquième ronde. C'était pour nous faire mal, oui, exactement, parce que Wood, là, il s'était même pas présenté au repêchage là-bas, donc il espérait même pas être repêché, je pense, dans les 6 ou 7 rondes, les 7 rondes qu'il y a là-bas. Donc, moi, personnellement, je peux blâmer le Canadien, mais encore là, l'année passée, il y avait quand même quelques joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui étaient quand même des joueurs importants. On a vu régulièrement, 2 à 3 fois durant la saison, Marc Bergevin à Chicoutimi, son dépisteur chef est venu, Martin Lapointe est venu, Boisvert est venu. Mais encore là, je veux dire, c'est tout beau tout ça, là. Mais à la fin de la saison, là, moi, je suis convaincu qu'on réunirait tous les dépisteurs de la Ligue nationale, on mettrait les listes de toutes les équipes individuelles. Tu verrais qu'il n'y a pas de si grande différence entre chaque formation pour leur liste, mettons, des 50 premiers joueurs ou 60 premiers joueurs. À partir de là, ben là, est-ce que le Canadien fait les bons choix? Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait des possibilités que le Canadien repêche bien. On a échangé 2 choix de 2e ronde. Ouais. Le dépisteur-chef, tu veux qu'il fasse, lui? Non. Il les a échangés, Marc Bergevin, 2 choix. Mais à ce moment-là, il les avait pas en main pour repêcher. Tu sais, je regarde au niveau des joueurs de la Ligue junior majeure, il y en avait disponible à ce moment-là, mais il n'a pas repêché, donc... C'est un peu le problème que vit le dépisteur-chef du Canadien de Montréal aussi. Oui, mais c'est quelque part, moi je pense que c'est quoi que les... Mais ça commence à faire partie québécois pas mal. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'est arrivé sur les médias sociaux qui m'a dit cette semaine, je pense que ça, M. Savard commence à être frustré qu'on l'a pas mis, on l'a mis au rancard après que Marc Bergevin ait été nommé. Bergevin a été choisi, on disait que Savard était parmi les gens qui ont choisi Bergevin, puis il avait confiance en lui. Ouais. Bergevin est arrivé après, puis effectivement, il a peut-être pas consulté Serge Savard, peut-être Savard voulait être consulté, lui. Ben, il l'a pas été. Qui est fru, il a le droit, mais un jour ou l'autre, faut que tu passes à autre chose, là. Tout le monde, à quelque part dans la vie, des fois, se fait passer quelque chose, puis il dit, t'es frustré, t'as pas aimé ça, mais tu peux pas non plus rester toute ta carrière là-dessus non plus. Bergevin, il est en place, c'est lui qui est là. Malheureusement, bien, ça va pas comme il voudrait. Moi, je pense que son année de vérité est là. Est-ce qu'il va être capable de bien performer avec son club malgré tout ce qui peut arriver? J'ai des réserves, les transactions qu'il a fait. Moi qui en ai obtenu Jonathan Drouin, j'en connais pas bien au Québec qui ont dit qu'il avait fait de mauvaises transactions. Tout le monde a unanime à dire que c'était une excellente transaction. Malheureusement, c'est quoi? L'autre jeune joueur, lui, il a bien performé avec Tampa Bay, alors que Drouin, à Montréal, c'était plus difficile. Donc, c'est toutes des choses qui arrivent. Après, c'est facile de dire, oui, il s'est trompé, mais quand ça arrive le temps de faire la transaction, il faut que tu le fasses. Là. Mais Drouin n'est pas dans la bonne chance. Premièrement, c'est pas un joueur de centre. Je crois pas que c'est un joueur de centre. Donc, déjà, là, en partant, c'est pas... À Montréal, on n'en a pas. On tente d'en trouver un. Donc, est-ce que Drouin peut... Il a joué junior au centre, là, il a connu du succès. Moi, je pense qu'avec la rapidité, puis... La façon de faire, il est pas très gros. Est-ce que le long des bandes, il est meilleur? Moi, je pense que peut-être qu'au centre, il pourrait faire le travail. Mais encore là, faut qu'il positionne dans la bonne chaise. 2, il y a une chose qu'il faut regarder, là. Dans le cas de Jonathan Drouin, il joue avec un instructeur qui axe sur la défensive. Alors que c'était pas le cas à Tampa Bay où tout était misé sur l'attaque. À Montréal, c'est pas le cas. On n'a pas l'équipe de talent pour jouer en offensive. On joue plus en défensive. Donc, ça va être intéressant de surveiller ce qui se passe avec le Canadien. Phil, en gros, merci. On se reparle vendredi prochain. Merci, au revoir.